Chapitre deuxième. Monsieur Octave Serpier, après s'être resté ahuri pendant une seconde à peine, mais certaines secondes sont fort longues, se ressaisit. Monsieur Joey Blanquette, répéta-t-il en affermissant sa voix et en lançant un regard oblique vers le corps inerte de son mystérieux visiteur. Très bien, je vous écoute, monsieur. Je vous demanderai de me recevoir sans me faire attendre, monsieur le chef de la sûreté, expliqua la voix. J'ai des raisons pour croire que je suis suivi et il faut absolument que je vous parle. Vous pouvez peut-être le faire tout de suite, observa monsieur Serpier. Non, il vaut mieux que je sois dans votre cabinet. Je ne suis pas certain en ce moment de n'être pas écouté. Dans 10 minutes, je serai dans votre antichambre. Votre huissier me reconnaîtra à ce que, en donnant mon nom, je tirerai un mouchoir rouge de ma poche. Un mouchoir rouge. Oui, rouge, pas bleu, grommela le chef de la sûreté agacé. Plaît-il? Rien. Vous sortirez un mouchoir rouge de votre poche, c'est entendu, fit monsieur Serpier. Je vous attends. Dans 10 minutes, je serai devant vous. À tout à l'heure, monsieur le chef de la sûreté. C'est cela, fit monsieur Serpier en raccrochant le récepteur d'un geste sec. Son visiteur était toujours dans le fauteuil, dans la position qu'il occupait lorsqu'il avait perdu connaissance. Monsieur Serpier courut vers lui. Mort, murmura-t-il après un bref examen. Voyons un peu. Rapidement, le haut fonctionnaire fouilla les habits du mystérieux défunt. Il n'y trouva qu'un mouchoir sans initiales, une bonbonnière d'argent munie d'un couvercle à ressort qui s'ouvrait sur une simple pression. La boîte contenait une poudre rougeâtre en laquelle M. Serpier reconnut instantanément du poivre de Cayenne additionné à de la poudre de piment. Avec une pincée de cet ingrédient, rien de plus facile que d'aveugler l'adversaire le plus déterminé. Dans une poche intérieure du gilet du mort, il y avait un portefeuille. M. Serpier l'ouvrit et en retira un billet d'une livre sterling et 17 billets de 100 francs, plus une feuille de fort papier de nuance jaunâtre et sur lequel étaient tracés les signes suivants. M. Serpier ouvrit des yeux larges comme des assiettes. « Ce sera drôle jusqu'au bout, » maugréa-t-il. « On dirait des dessins d'enfants. Non, plutôt de ces croquis servant à apprendre à dessiner sans fatigue. » On fait un 8, on y ajoute 6 traits, 2 points, et l'on a une guêpe, avec de la bonne volonté, bien entendu. Enfin, nous verrons cela. Le chef de la sûreté continua ses recherches et ne trouva plus rien. Pas le moindre papier d'identité, aucun objet pouvant permettre d'identifier le mystérieux personnage. Le nom du chapelier avait été arraché du melon dont il était coiffé le défunt. Aucun nom sur les boutons de ses vêtements, rien qui pût faire deviner qui les avait faits. C'est du drap anglais, en tout cas, et mon gaillard est certainement un anglais, murmura M. Serpier qui alla appuyer sur le bouton d'ivoire encastré dans son bureau. M. Bougenet, son secrétaire particulier, apparut. Il faut appeler le docteur Raffard, fit le haut fonctionnaire. Il nous dira de quoi est mort ce paroissien qui prétendait s'appeler. M. Serpier s'interrompit. L'on frappait à la porte de son cabinet. Entrez, cria-t-il. C'est un monsieur Tompkins qui dit être attendu par monsieur le chef de la sûreté, fit le planton en franchissant le seuil. Il avait un mouchoir rouge à la main, questionna monsieur Serpier. Oui, chef, fit le planton étonné de la question. Faites entrer, tout de suite, ordonna monsieur Serpier qui, se tournant vers son secrétaire, expliqua. Le mouchoir rouge est un signe de reconnaissance. Restez, Bougenet, vous n'êtes pas de trop. La porte se rouvrit. Monsieur Serpier fronça les sourcils. L'homme qui entrait était exactement vêtu comme le mort. Il était légèrement plus grand et moins maigre que lui, mais de loin, avec un peu d'inattention, l'on eût pu s'y méprendre. « Monsieur Joey Blanquette ?» fit Monsieur Serpier en regardant fixement son visiteur. « Oui, » répondit ce dernier, après avoir jeté autour de lui un regard méfiant et investigateur. « Monsieur est mon secrétaire, vous n'avez rien à redouter de lui. » reprit le chef de la sûreté. « Et sans doute connaissez-vous l'homme qui est là ?» Se disant, M. Serpier du geste, désignait le cadavre affalé sur le fauteuil de cuir. M. Tompkins, Joey Blanquette ou quel qu'il fût, s'approcha du mort. « Je ne le connais pas, » dit-il d'une voix calme où perçait un léger accent britannique. « Oh, mais c'est très curieux, » observa-t-il aussitôt. « Ce monsieur est habillé exactement comme moi. » « En effet, » « Et c'est pourquoi je vous ai demandé si vous le connaissiez, » fit M. Serpier. « Ce monsieur, qui est de vos compatriotes, a été terrassé par une attaque dans mon cabinet. juste au moment où vous me téléphoniez. Et vous l'avez aussitôt fouillé, observa l'anglais, très expéditif. Vous avez raison, il faut toujours se hâter, car... Puis-je connaître le motif de votre visite? Interrompit le chef de la sûreté. Vous comprenez que je sois assez pressé, surtout avec ce cadavre ici. Je comprends. Je recherche un pirate assassin voleur qui se fait appeler Otto Droll et William Grant, et qui, après avoir assassiné au moins 5 personnes dans un îlot de la Polynésie, est arrivé à Paris il y a quelques jours et est descendu au Gigantic Palace. En ce moment, il a disparu. J'ai tout lieu de croire qu'il a été assassiné, car toutes les recherches faites par mes camarades de la police anglaise, aussi bien que par moi, n'ont donné aucun résultat. Deux de mes hommes, le brigadier Hepster et le détective Calcott, des hommes éprouvés, autant qu'expérimentés, n'ont plus reparu, ce qui me fait croire qu'ils sont morts. Pardon, mais pourquoi n'avoir pas averti la police française? Interrompit M. Serpier. Ah, tout simplement parce que nous n'avons, somme toute, aucune preuve contre cet homme. Des présomptions très fortes pèsent sur lui et c'est tout. C'est pourquoi nous le filons depuis plusieurs mois. Il a tué pour voler des perles, mais il n'a encore vendu aucune de ces perles. C'est un complice qui les a. Nous avons inutilement essayé de savoir qui était ce complice. Nous avons intercepté la correspondance de ce grand drôle, mais sans rien y trouver de concluant. Maintenant, à la suite de la disparition de mes hommes, je viens vous prier, monsieur le chef de la sûreté, de bien vouloir vous occuper de l'affaire. Je relève de mes supérieurs. Il vous faut avant tout porter plainte devant le procureur de la République, qui verra la suite à donner à l'affaire. Je vais porter plainte en sortant d'ici. En tout cas, si je péris, si vous périssez. Oui, j'ai tout lieu de croire que ma vie est menacée. J'ai déjà échappé 2 fois à l'empoisonnement. Il y a 3 semaines, l'auto dans laquelle je me trouvais a été presque télescopée par une autre voiture qui s'est enfuie. Et le chauffeur qui me conduisait ne m'a pas caché que l'abordage avait été voulu. On m'a envoyé une lettre chargée d'explosifs qui n'a pas sauté parce qu'elle avait été mouillée. Un simple hasard. Et j'ai la sensation que je suis suivi. Le grand détective anglais soupira. Évidemment, il était sincère. Vous ne doutez pas de la personnalité de ce cadavre? Questionna M. Serpier en désignant le corps inerte toujours étendu sur le fauteuil de cuir. Non, pourquoi? Cet homme est venu ici il y a moins d'une demi-heure. Il m'a tenu les mêmes propos que vous. Il m'a dit se nommer Joey Blanquette, il m'a expliqué qu'il poursuivait Otto Droll, il m'a même donné les détails que je vais vous faire connaître, et enfin, il m'a déclaré qu'ayant été empoisonné par les complices d'Otto Droll ou par Otto Droll lui-même, il allait mourir, et il est mort. Laissez-moi finir. Et le chef de la sûreté, d'une voix posée, répéta le récit que lui avait fait le défunt. J'ai trouvé sur lui ce portefeuille, cette boîte à poivre et ce papier. Qu'en pensez-vous? Tout en parlant, M. Serpier avait tendu à Joey Blanquette le mystérieux papier extrait du portefeuille du mort. Une minute, fit le détective britannique très calme. D'abord, que je vous montre mes papiers de légitimation, mon passeport, ma carte d'identité et mes empreintes. Vous auriez dû demander tout cela à cet homme, monsieur chef de la sûreté. Vous auriez. C'est vrai. Mais j'ai été troublé par l'annonce que m'a faite cet individu lorsqu'il m'a déclaré qu'il allait mourir. Au surplus, il ne mentait pas, il est mort. Et puis, vous savez comme moi que des papiers ne sont pas toujours une preuve. On en fabrique de faux, très bien imités, surtout en Angleterre. Et je n'avais aucune raison de suspecter cet homme. Vos papiers sont en règle, à ce que je vois. Merci. Sans mot dire, l'Anglais replaça dans son portefeuille les documents qu'il venait de soumettre à M. Serpier. Puis, ayant pris le bizarre papier, il le regarda longuement. On dirait du chaldéen, du moabite, une écriture orientale, murmura-t-il. J'ai vu des grimoires dans ce genre à Londres, à la suite de l'assassinat d'un receleur syrien. Il faudrait soumettre cela à un savant orientaliste. Sans doute, mais que pensez-vous de tout cela? De cet homme qui connaît l'affaire aussi bien que vous, qui fait le même récit que vous, qui éprouve les mêmes craintes que vous et est plus justifié, heureusement pour vous. Je ne pense rien, il faut tout admettre. C'est peut-être un maudit détective privé qui, pour une raison que nous ne connaissons pas, s'est occupé de l'histoire. Il se peut que Karl Jacobsen ait des parents. D'ailleurs, sa petite-fille Julia n'a pas été retrouvée, ni morte ni vivante. J'avais même indiqué de chercher de ce côté. On n'a rien trouvé. Et cet Otto Droll, ou quel que soit son nom, que pensez-vous qu'il soit devenu? Il paraît qu'il a un coffre au Crédit européen. Oui. Et un au comptoir général. J'y suis allée ce matin. On n'a pas voulu me dire quand Otto Droll était venu pour la dernière fois. Je vais le savoir tout de suite, fit Monsieur Serpier. Le sous-directeur est un de mes amis, et j'ai eu quelques occasions de rendre service à l'établissement au sujet d'une affaire de faux. Attendez un instant. Le chef de la sûreté atteignit son appareil téléphonique. En quelques instants, il eut demandé et obtenu la communication avec le sous-directeur du comptoir général. Il dut cependant, avant d'être renseigné, attendre une dizaine de minutes, le temps nécessaire pour que le banquier eût questionné les services compétents. Eh bien, c'est fort, grommela soudain Monsieur Serpier en raccrochant le récepteur. Monsieur Garchant, le sous-directeur du comptoir général, me raconte que Monsieur William Grant sort de chez lui, il y a 10 minutes à peine, juste pendant que je lui téléphonais, au point que le gardien de la porte du caveau des coffres lui a couru après dans le hall, mais trop tard, il a filé dans une auto.